Numéro de l'Asie le plus sûr sur l'antenne du 94 MHz, également sur internet à partir de son blog asile35.blogspot.fr ou du mixcloud.com/radman. Ravi de vous retrouver en cette veillée du 14 juillet. Cette veille de 14 juillet pour une émission un peu en speed avant d'aller à la fête du slip 2015 du côté de la gare au 45 rue du Hamel au Chat Bavard. Une nuit complète jusqu'à l'aube avec quantité de projets, je ne vais pas les énumérer tous, mais il y aura la Coupe du Monde de disques de merde, également CIAX, Sister Sistit, Les Hôpitaux, UNAS, Acid Kruger Crew et pas mal de DJ guests. Donc tout ça au Chat Bavard, du côté de la rue du Hamel, près de la gare. Et on attaque avec une sélection spéciale 14 juillet et un groupe que j'écoute en général le 14 juillet. Il s'agit de Comintern avec le fameux disque Le Bal du Rat Mort, publié en 1971 par le label Harvest. Il a été réédité dans les années 80 en vinyle. Également à la fin de l'année dernière, une édition australienne chez Barrier Records. C'est une édition sans doute un peu pirate pour Comintern, créé sur les cendres de Red Noise, le groupe de Patrick Vian qui avait perturbé jusqu'en 1975. On y retrouvait Francis Lemonnier au sax et à la voix et autres éructations, ainsi que Serge Catalano aux percussions. Ils étaient rejoints par Olivier Straslik à la basse et guitare, qui lui a joué plus tard, bien plus tard, aux côtés de Malicorne et pléthore d'invités tels que Joss Basselli, qui était l'accordéoniste de Barbara, de Régine ou encore de Ferré. Il y avait aussi le violoniste Richard Aubert qui lui officiera dans Atoll. Donc un peu toute la scène du rock de l'après 68 se retrouvait dans ce Comintern. Et c'était une joyeuse bande qui avait créé aussi le fonds de libération de la rock musique aux côtés de l'Art Free et de Barricade, et qui pratiquait un mélange de balmusette, de rock et de free jazz. On pourra s'en rendre compte avec un long extrait de la face A de cet excellent bal du rat mort, bal pour un rat vivant. (Musique)

Et oui, il fallait bien un vrai groupe de balle pour démarrer cette émission juste avant la grande nuit du 14 juillet. Il s'agissait de Comintern, excellent groupe français qui sévissait dans l'après 68 sur les cendres de Red Noise avec ce disque brillantissime, Le bal du rat mort, et sa fameuse pochette avec la fresque du peintre mexicain trotsko-surréaliste Diego Rivera. Et pas mal de chants révolutionnaires de la guerre d'Espagne, notamment les fameuses Cuatros Generales. Donc c'était une sorte de groupe très inspiré par également le Liberation Music Orchestra de Charlie Haden, ce qui s'entend plutôt pas mal sur cette face A qui continue à défiler derrière moi. La face B était plutôt consacrée à des textes chantés ou plutôt braillés assez anarcho-gauchistes. Voilà donc pour Comintern, Le bal du rat mort, un disque que je me ressors à peu près à chaque 14 juillet, surtout le matin pendant le défilé des Charles Leclerc et autres rapports. Voilà, vous connaissez tout de la vie de votre serviteur de l'asile le plus sûr, ce qui ne va pas nous empêcher d'enchaîner avec des nouveautés et une compilation. Alors là, c'est pas vraiment de la nouveauté, mais c'est une nouvelle compilation qui sort dans les jours prochains sur le label de Hambourg, Bureau B. Elle est consacrée à la musique de Monsieur Cluster avec un K, Konrad Schnitzler, et une collection numéro 5. Il s'agit d'une série de disques que le label de Hambourg consacre à la musique allemande électronique un peu historique. Des années 70, on avait eu l'occasion de vous passer l'anthologie Populare Mécanique qui avait été compilée par Holger Hiller, et là c'est son camarade avec lequel il officiait dans Palais Schaumburg, monsieur Thomas Feldmann, qui a fait beaucoup aussi de musique électronique un peu technoïde à partir des années 90 et 2000, qui s'est fendu donc de ce florilège. C'est plutôt le Konrad Schnitzler de la fin des années 70 et des années 80 qui se retrouvent sur cette compilation. Mais c'est vrai qu'avec ce monsieur qui est disparu il y a 2-3 ans de ça, on ne sait jamais trop dans quelle époque on se situe, vu qu'il avait plutôt tendance à recycler beaucoup des sons électroniques qu'il trafiquait depuis à peu près l'année 66-67. On écoute le titre Fata Morgana de Konrad Schnitzler, qui était un extrait de l'album Concept Sequence de 1980 et qui se retrouve sur cette compilation donc consacrée à sa musique. Konrad Schnitzler dans l'asile le plus sûr. une séquence avec pas mal d'électronique à l'intérieur et de vieilleries pour démarrer, mais des vieilleries qui viennent de revoir le jour, tout d'abord sur une anthologie collection numéro 5, je ne vais pas vous faire l'affront de le prononcer à l'allemande, cette compilation, nouvelle compilation autour des œuvres de Konrad Schnitzler, publiée par l'excellent label de Hambourg Bureau B, qui se consacre à la défense et à l'illustration des musiques allemandes des années 70 et aussi 80 depuis une bonne dizaine d'années, avec des rééditions d'à peu près tout ce qui a pu bouger plutôt dans la scène un peu électronique allemande de la fin 60, années 70. Bureau B a réédité notamment tous les albums de Cluster avec un C, ou encore les disques historiques de Konrad Schnitzler du début des années 70, les albums Blau, Rot et quantité d'autres. Récemment, ils ont fait paraître aussi un nouveau disque de pièces enregistrées par Konrad Schnitzler avant qu'il ne décède, en compagnie de Pyrolator. Ça s'appelle Construct, et là il s'agissait donc d'une compilation de ces frasques plutôt à partir de la fin des années 70 et des années 80. Rien de très très nouveau sous le soleil, mais c'est plutôt pas mal, ce florilège de pièces rassemblées par Holger Hiller. Et c'était enchaîné avec un groupe que j'ai découvert récemment, qui répond au nom de Vice Versa, un duo puis trio de minimal industriel électronique qui a fait les belles heures de Sheffield à partir de 1977. C'est un peu le chaînon manquant entre Cabaret Voltaire et Clock DVA. Ils partageaient les mêmes scènes qu'eux, ou encore de The Human League des débuts, avant que ça devienne très très commercial. Et le label, lui aussi spécialisé dans les rééditions, mais plutôt de cassettes des années 80, Vinyl On Demand, label également allemand, vient de rééditer une anthologie sous le titre Electrogenesis 1978-1980, autour des activités de ce groupe Vice Versa, qui n'avait pas sorti grand chose, 2 45 tours et une cassette si je ne m'abuse. Et donc là ça devient un quadruple vinyle ainsi qu'un bonus 45 chez Vinyl On Demand. Vice Versa qui s'est fait rattraper par le système début des années 80 et qui s'est mis à pratiquer une pop électronique totalement imbuvable sous le nom de ABC, une sorte d'usine à tube façon Duran Duran. Et je ne vois pas trop qui a encore envie d'écouter The Lexicon of Love avec son crooning insupportable et son synthé funk à deux balles du début des années 80. En tout cas, cette compilation de ce qu'il pratiquait bien avant, sous le nom de Vice Versa, est nettement plus intéressante. On a écouté juste une miniature, mais l'intégralité du coffret est très très chouette. Et on a terminé avec là quelque chose de très contemporain, et le groupe lyonnais Lunatic Toys, dont on avait eu l'occasion déjà de vous parler pas mal, notamment à l'occasion de la sortie de Briziola chez Carton Records en 2012, trio dans lequel on retrouve Clément Edouard, ex-Irène, également membre de Snap, de Lou ou encore du projet Polymorphie, qui pratique le sax électronique. Alice Perret au clavier et Jean Joly est à la batterie. Ils viennent de faire paraître ce tout nouvel opus sous le titre Caniza sur la petite subdivision de Radio France, le label Signature, plutôt coutumier des projets un peu électroacoustiques et assez innovateur. Voilà pour Lunatic Toys. On continue avec un disque qui est vraiment un petit bijou. Il s'agit de la rencontre entre The A Trio et Alan Bishop. L'album s'intitule Burj Al Imam. C'est sorti sur le label Aniya. C'est enregistré au studio Tunefork dans la banlieue de Beyrouth. Et le A trio, c'est l'excellent trio libanais dans lequel officie Marzen Kerbash à la trompette, qui est aussi dessinateur de BD. Sharif Chenaoui est à la guitare, qu'on a eu l'occasion de vous passer aussi ces derniers mois dans l'orchestra Omar, aux côtés des gens de Construct. Et Raed Yassine est à l'électronique et à la basse. Et lui aussi, on vous l'a pas mal proposé ces derniers temps dans les îles de Bussure, notre au sein de son projet Malayin, qui avait sorti d'ailleurs son album sur Aniya avant que ce soit réédité chez Discrepante. Et donc ils sont rejoints par Mr. Alan Bishop, Alvarius B ou encore Uncle Jim, cofondateur de Sublime Frequencies, ex-membre des Sun City Girls. On va écouter un titre très très long de ce A-Trio en compagnie de Alan Bishop, le morceau Purge Al-Imam. Thank you. Ça, c'est du blues improvisé, s'il vous plaît, avec le trio libanais A-Trio, de son vrai nom A-Trio, oui, en compagnie de Alan Bishop, le musicien américain ex-membre des Sun City Girls, Mr. Alvarius B, avec d'ailleurs un titre The Imam, qui était une reprise de son vieux groupe les Sun City Girls. Je crois que c'était sur l'album Funeral Mariachi, qui était le dernier disque en compagnie du batteur avant qu'il ne décède d'un cancer, Charles Gaucher. Un très très bon disque, ce Burj Al Imam, sorti sur le label de Raed Yassin Aniya. Un CD avec une très belle pochette et une musique vraiment, vraiment ébouriffante. À l'image de ce titre qu'on entendait très très long, les autres sont plus court mais tout aussi réussi. Il y a une reprise d'un traditionnel américain, Gently Johnny, et des compos originales, et de toute façon c'est joué avec les tripes et de manière totalement non conforme pour messieurs Mazen Kerbash, Sharif Chenaoui, Raed Yassin et Alan Bishop, très très en verve. Il imitait très très bien la poule d'ailleurs sur le titre qu'on entendait. Voilà un nouveau disque de A-Trio, le troisième après un album qu'ils avaient sorti l'an dernier chez Roratorio, et le premier qui était sorti sur le propre label de monsieur Kerbash, Al Maslak. Voilà, je vous ferai peut-être d'ailleurs à la rentrée une nouvelle émission spéciale autour de ces scènes libano-turco-égyptiennes qui se mélangent pour notre plus grand plaisir ces derniers temps. On va enchaîner avec un duo britannique qui répond au nom de Papa Bull, un projet Frico Dada dans lequel officie John Marshall de Singing Knives et John Murray de Possette. Un grand n'importe quoi enregistré sur Dictaphone. Il s'agit de leur premier disque officiel publié en CD. Le premier était sorti chez Chocolate Monk, le label de Prick Dickey, Mr. Dylan Yukis, de manière nettement plus confidentielle, en CDR à tout petit tirage. Celui-ci est en édition un peu plus large. Il s'intitule Argot of the Incomprehension, et c'est plutôt un titre qui colle vraiment à la musique, dont je propose d'écouter le titre qui démarre ce disque de ce duo Papa Bull, le morceau Langue de Bois. Okay. What? Je vous avais prévenu que c'était du grand n'importe quoi cette séquence qui a démarré avec Papa Bulle, le projet Frico Dada britannique qui faisait pas mal penser à du Filmington sous acide, et leur disque donc sorti chez Discombobulate en CD qui s'intitule Argot of the Incomprehension. C'est vrai qu'on comprend pas grand chose à leur musique à ces deux-là, et c'était enchaîné avec une musique tout autant subliminale et sacrément secouée, celle du cercle des Malissimalistes et leur tout nouvel album aux Malissimalistes qui s'intitule Le Moir, sorti en coproduction entre Les Potagers Nature, Kitty Bong et Mon Cul C'est du Tofu. Donc c'est le retour de Nestor Désiré, Bernard Poyac et leurs acolytes, donc musique un peu médiévale sur les bords, un côté assez goth, hein, beaucoup plus que pour le premier album qui était consacré aux compositions de Wolfgang ou Wolfgang Tachewski, qui était sorti chez Les Potagers Nature en 2010. Et on aura certainement l'occasion d'en reparler puisqu'il y a un concert à venir au Jardin Moderne début octobre. Je crois que c'est le 10 pour Musique Alambic, qui invite donc cette année le cercle des Malissimalistes. On continue avec une séquence de jazz, mais de jazz assez agressive, avec un combo qui l'est tout autant. Il s'agit du Pulverize the Sound, qui a un nom assez prédestiné, ou plutôt qui tient bien ses promesses. Ce trio entre le trompettiste Peter Evans, le bassiste électronicien Tim Dahl et le batteur Mike Pride. Il s'agit d'un premier album éponyme sorti par l'excellent label Relative Pitch au mois de juin. Et je vous conseille d'aller jeter un œil à la vidéo du concert de Moers, le festival allemand de mi-mai, qui est à visionner sur concertarte.tv. 49 minutes vraiment excellentes, avec un son et une image assez fantastique. Je posterai d'ailleurs le lien sur le site asile35.blogspot.fr. Et je voulais vous signaler aussi que Peter Evans sera en tournée en Europe pour les festivals d'été, et notamment celui de Mulhouse, le festival météo qui aura lieu entre les 25 et 29 août. Il jouera au sein du trio d'Evan Parker, Paul Lighton et Barry Guy, le trio classique de Monsieur Parker augmenté par la trompette de Peter Evans. Il sera aussi au sein du Nonette, l'électroacoustique Nonette d'Evan Parker, qui réunit quantité de musiciens, des Norvégiens, des Anglais, Américains, et aussi Okyun Lee, qui représente la Corée du Sud, qui fera aussi un solo dans le cadre du festival Mulhouse. Et elle jouera aussi en duo aux côtés de Jean-Luc Guyonnet, qui sera pas mal de la fête, notamment avec un duo avec Eve Risser, aussi aux côtés de Olivier Benoît. Non, c'est aux côtés de Lionel Marchetti qu'Okyun Lee officiera. Pas mal de duos également, Benyat Achari et Didier Lasserre, ou encore Andy Moore et Yanis Kyriakides. Également le projet franco-norvégien Dans les Arbres, le projet franco-japonais Kazé, ou encore les Danoises de Selvanter, dont on vous a pas mal passé la musique ces derniers mois dans l'Asile le plus sûr. Tout ça donc à Mulhouse, fin août, entre les 25 et 29 août. Si vous êtes par là-bas, on a un très très bon festival de jazz free et musique improvisée. Et on écoute donc un extrait de ce Pulverize the Sky, qui a une sonorité vraiment assez incroyable. Les pièces sont vraiment menées au cordeau. Je propose d'écouter celle qui s'intitule Frank Anthony par Pulverize the Sky. We'll be right back. Thank you. séquence de jazz qui accroche dans les îles plus sûres, qui a démarré avec l'excellent trio Pulverize Sound, sorti sur Relative Pitch en CD. La rencontre entre Peter Evans à trompette, Tim Dahl à la basse électronique et Mike Ride à la batterie. Alors Peter Evans, je ne le présente plus aux auditeurs de l'Asile plus sûr. On lui avait consacré une émission entière il y a de ça un an et demi. Mike Ride, on l'a écouté la semaine dernière au sein du Yoni Kretzmer Two Bass Quartet. Quant à Tim Dahl, on avait écouté son excellent trio qu'il avait sorti l'an dernier aux côtés de Paul Dedmal et de Andrew Barker chez New Atlantis Records. Un excellent disque de sortie donc par Relative Pitch, qui s'est fendu aussi d'un duo entre Chris Corsano et la saxophoniste Mette Rasmussen. Et ce qu'on entend, voilà, toute la batterie de casserole derrière moi, c'est celle de Pal Nissenlove en compagnie du violoncelliste électrique Fred Longbarholm, extrait de ce disque You Can Be Mine, sorti par l'excellente étiquette polonaise Bossian Records en vinyle le mois dernier, une session enregistrée à Chicago en 2012, où réside d'ailleurs le violoncelliste. Donc Fred Longbarholm et Pal Nissenlove, c'est un peu la section rythmique de Ballister, le trio qu'ils forment aux côtés de Dave Rampis, une décharge d'électricité en 220 volts qui traverse les deux faces de ce 33 tours, avec une très très belle pochette un peu gothique sur les bords, mais assez magnifique. Voilà donc pour You Can Be Mine par Pal Nissenlove et Fred Longbarholm. Et on enchaîne avec un nouveau trio, un trio suédo-portugais dans lequel on retrouve Pedro Souza, qui est saxophoniste et également guitariste, qui fait partie de la jeune garde des musiques innovatrices portugaise, notamment au sein du IKB Ensemble ou encore de son projet PAO. On avait pu le rencontrer notamment sur le label Spuma pour un duo qu'il formait avec Thurston Moore. Il est rejoint par son compatriote Gabriel Ferrandini, qui lui fait partie du Red Trio ou encore du combo de Rodrigo, des différents projets d'ailleurs de Rodrigo Amado. Et ils sont rejoints par le Suédois Johan Bersling, Suédois ou Norvégien, je vais vérifier de ce pas, qui lui fait partie de Tape, qui est un projet un peu pop ambiante, et aussi de Fire Orchestra aux côtés de Mats Gustafsson. Le disque vient tout juste de paraître sur l'étiquette Clean Feed. Il s'intitule Casa Futuro. Je propose d'écouter un extrait du titre qui démarre, le morceau Durability, par Pedro Souza, Johan Bersling et Gabriel Ferrandini. Thank you. Thank you. Excellent trio entre le saxophoniste portugais Pedro Sousa, le batteur Gabriel Ferrandini et le contrebassiste Johan Bersling. L'album vient de paraître sur le label Clean Feed qui continue sa production assez phénoménale d'excellents disques de jazz contemporain. Celui-ci s'intitule Casa Futura. Alors une pièce évidemment qui dure pas loin de 25 minutes, qui est comme toujours difficile de squeezer. Voilà, l'émission touche quasiment à sa fin. Je vous rappelle la fête du slip ce lundi 13 juillet si vous êtes à Rennes, la 6e du nom, organisée par le comité des fêtes du vieux slip à Fente. Ça se passe au Chat Bavard, c'est 45 rue Tu Amel. On se retrouve la semaine prochaine pour une dernière émission en direct avant une série de spéciales que je vous proposerai à partir de la fin juillet et jusqu'à la fin août avant de reprendre les activités normales et l'actu décalée de l'Asile le plus sûr. Et je propose de terminer avec une dernière nouveauté, un disque d'un guitariste français que j'ai découvert récemment. Ou plus exactement, c'est lui qui m'a découvert, qui m'a envoyé un gentil message pour me proposer de me passer sa musique. Il s'agit de Thomas Barrière, qui vient de faire paraître un disque en cassette sous le titre Primaire sur la petite subdivision du label Important Records Cassona. Il s'agit d'un disque qui était paru précédemment sur son propre label qui répond au nom de Todol Records. Alors Thomas Barrière, c'est quelqu'un qui pratique la guitare à double manche, plutôt dans un registre un peu atmosphérique et ethnique, avec des sonorités qui font pas mal penser au Baloutchistan ou au bassin méditerranéen, comme il nous dit lui-même. Une musique inclassable entre les plaines de Mongolie, Fred Friss, l'Atlas et Godspeed You Black Emperor. Voilà un peu pour les références du monsieur. Apparemment, il fait partie d'une petite constellation du musicien dans le sud de la France, dont on aura l'occasion de vous reparler prochainement. Je propose d'écouter un extrait de cet excellent disque de Thomas Barrière Primaire, qui sera une excellente introduction à un décollage à la verticale. Comme toujours, je vous souhaite une excellente nuit à l'écoute du 94 MHz. À bientôt.